Oh. cela se pose la sépare. Au pied du mont Olympe, passe le bois de l'arrête, à Jupiter son père, il nous a une fête. Cependant, si captif s'avance vers son bord, dans l'hiver du vainqueur, une beauté céleste attire les charmes tous les yeux. Et quel est cet esclave? Un silence modeste nous cache son pays, son roc et ses aïeux. Mais si j'en crois mon cœur, elle est l'histoire des dieux. Thank you. toi ne Dieu résiste à combattre.